donc un peu les filles. Allez, marquez ! Ah ! Si vous cherchez la bagarre, regardez-moi bien en face. Elle s'imagine que je lui dois tout. Une femme est aimée dans mes bras. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Allez, tout le monde autour de moi. Salut, c'est Eric. Bienvenue sur l'antenne de RIG 90.7 de la bande FM. Bienvenue dans l'émission Johnny de A à Z. Je vous présente aujourd'hui la 484e émission ici sur RIG. Et l'album de la semaine à l'honneur ce soir, c'est l'album L'Idole des Jeunes qui est sorti le 9 avril 1963. C'est le 7e 33 tours 25 cm de Johnny Hallyday et le 4e chez Philips. Et ce 25 cm, ce 8 titres, est constitué de 2 extended play, 2 IP. Le premier super 45 tours qui constitue cet album-là, s'intitule L'Idole des Jeunes, et avec des chansons complémentaires comme c'est le Mash Potatoes, Tuba Tuba Tuba et Comme l'été dernier. Et le deuxième Extended Play et le 45 tours Tes tendres années, comprenant également Elle est terrible, Poupée brisée et Mash Potatoes Time. On va écouter tous ces titres-là au cours de cette émission Johnny de A à Z, mais aussi également nous allons écouter les versions originales. La seule différence qu'il y a parmi tous ces 8 titres, il n'y a qu'un titre qui est un original français, ce sera le titre Poupée brisée, qu'on écoutera évidemment au cours de cette émission. Installez-vous bien, parlez-en à tout le monde, hein, comme quoi l'émission de Johnny de A à Z, c'est maintenant. Et puis aussi, on la retrouve en podcast pour ceux qui ne peuvent pas l'écouter le mercredi soir de 22h jusqu'à minuit. On va commencer tout de suite cette émission avec un titre country music que Johnny a chanté en 1963 et a commencé après à reprendre dans les années 70, c'est le titre Tes tendres années. Bonne soirée à toutes et à tous, bonne écoute de l'émission Johnny de A à Z. Tu me dis que tu l'aimes, je sais, oui, tu dis vrai, et pourtant, moi je t'aime bien plus fort. Secret. Un matin, quand il partira, quand tu pleureras, dis-toi bien que tu vivais tes tendres années. Dans tes yeux, la lumière. temps d'entamer une authentique période country music avec Michel Mallory pour complice, Johnny flirte déjà avec le genre en 1963. Il s'y montre brillant, en particulier sur cette adaptation de Tender Years d'après George Jones, qui est enregistré pour Mercury comme Johnny. Il fut le compagnon de Demi Winnette de 1967 à 1973. Et les amateurs de rock l'apprécient pour White Lightning, Who Shot Sam and the Race Is On. En 1981, Elvis Costello l'aida à relancer sa carrière en reprenant le titre Good Year for the Roses. Johnny enregistra une version en anglais, publiée notamment aux Pays-Bas. Comme Souvenir Souvenir, Le Temps Passant et Tendres Années a évidemment pris une coloration nostalgique et la version qu'en fit Sylvie Vartan au Parc des Princes sut donner la chair de poule à toute l'assemblée. Voici tout de suite la version Tender Years de George Jones. You keep saying you love him. I believe that is true. And it just doesn't matter how much I love you. But in time. A love light that's shining for him, but how long will it stay there? Will that love light grow dim? You can just see the happiness, you can't see the tears. It's true, 'cause you're living in your tender years. I can't be your first love. I'll wait and be your last. I'll be somewhere in your future to help you forget the past. And you'll know that I love you, the love that's sincere. 'Cause I'll wait till you're through living in your tender years. Yes, I'll wait till you're through living in your tender years. Tender years. Salut, c'est Johnny. Johnny en live. Tous les titres live de ce soir, ce seront des medleys. Medleys que Johnny a pu chanter au Parc des Princes, par exemple, au Stade de France, par exemple. Et voici un medley 60s, années 60, au Parc des Princes, en 1993. Passe-t-il-là, il me rappelle autrefois. Oublie-le, s'il le faut. Ne touche pas à ce piano. Oh non, ne le joue pas. Dans mon cœur, on y tient les pas. De l'entendre, je le sais. Je le sais. Tu sais que tu mens. du monde retient la nuit. Pour le cœur dans sa course vagabonde, serre-moi fort contre ton corps. Il faut qu'à l'heure des folies, le grand amour règne le jour et nous fasse oublier la vie. Retiens la nuit. Avec toi, elle paraît si belle. Retiens la nuit. Mon amour, qu'elle devienne éternelle. Pour le bonheur de nos deux cœurs. Arrête le temps et les heures. Je t'en supplie à l'infini. Retiens-la. Si j'étais un charpentier, si tu t'appelais Marie, voudrais-tu alors m'épouser et porter notre enfant? Ma maison ne serait pas. Fallait un grand roi, tu l'aurais construite pour toi, seul avec mes mains. En l'amour que je te donne, tu dois être forte. Quand notre fils sera un homme, il aura beaucoup à faire. Un charpentier, si tu t'appelais Marie, mes mains seraient sèches et dures, elles étaient si fragiles. Moi, si j'étais un charpentier, tu t'appelais Marie, voudrais-tu alors m'épouser et tout recommencer? Fantastique soirée au pluriel au Parc des Princes en 1993. Et qu'un truc à vous dire. Au revoir, Baba Luba, Bala Bim Boum. Johnny et les années 80. Dans mes nuits, il y a des images qui brûlent. Mes nuits, c'est pas la vie. si c'est pas la peine, il pour de bon. Tant pis si mes amours me quittent au petit jour, au moins cela revient toujours, toujours, toujours. Dans mes nuits, les fautes se pardonnent. Dans mes nuits, chaque fois nouvelle donne. Mais lui, c'est pas la vie. Et dans mes nuits, c'est pas grave. Dans mes nuits, c'est pour rire. Mais dans mes nuits, rien n'est grave. Dans mes nuits, on oublie. Hallyday by Hallyday. Envoie-moi la musique. Qu'il est loin, ce monde inconnu, le chemin. Pour lui n'en finit plus, il n'a rien, il a tout perdu. Il a joué l'argent au poker, il a tué. Pour se tirer d'affaire, il est traqué. Oh, quel enfer. Ses amours, toujours plus loin. Il s'en va chaque jour, il tire trop bien. Il y a toujours, toujours quelqu'un qui le défie. Il n'y peut rien, son cheval le conduit toujours plus loin. Pour lui c'est son seul ami. Ses amours, toujours plus loin. Il s'en va chaque jour, toujours plus loin. Sans retour, sans retour. Toujours plus loin, extrait de l'album Le Pénitencier, sorti en 1964. On revient à l'album de la semaine, qui est l'idole des jeunes, le 25 cm, qui est sorti le 9 avril 1963. On retrouve à nouveau un deuxième titre, extrait du Super 45 Tours, sorti en octobre 1962. Tout bas, tout bas, tout bas. Vous écoutez RIG et l'émission Johnny de A à Z. À toi mon seul amour, c'est toi mon vrai bonheur. Tu brûles mes jours, ah, tu griffes mon cœur. Et mon cœur éclate au ciel de ma joie lorsque tu me dis tout bas, tout bas, tout bas, tout bas, que tu n'aimes que moi. Ah, dès que vient le soir, l'amour est à nous. Et tous les coins noirs, ah, nous font les yeux doux. Que tu me dis tout bas, tout bas, tout bas, tout bas, que tu n'aimes que moi. Oh, nous deux on s'embrasse tendrement, nous deux on s'enlace follement. Mais le temps qui s'étire trop vite me sépare de toi. Alors dans la nuit, tristement je reviens, traînant mon ennui jusqu'au lendemain. Et ça dans ma chambre, je rêve de toi. Toi qui m'as dit tout bas, tout bas, tout bas, tout bas, que tu n'aimes que moi. Dès que vient le soir, l'amour est à nous. Et tous les coins noirs à nous font les yeux tout. On s'aime en cachette, mon corps est en émoi. Lorsque tu me dis tout bas, tout bas, tout bas, tout bas, que tu n'aimes que moi. Oh, nous deux on s'embrasse tendrement, nous deux on s'enlace follement. Et le temps qui s'étire, trop vite me sépare de toi. Alors dans la nuit, tristement je reviens, traînant mon ennui jusqu'au lendemain. Et seul dans ma chambre, je rêve de toi. De toi qui m'as dit tout bas, tout bas, tout bas, tout bas, que tu n'aimes que moi. De toi qui m'as dit tout bas, tout bas, tout bas, tout bas, que tu n'aimes que moi. De toi qui m'as dit tout bas, tout bas, tout bas, tout bas, que tu n'aimes que moi. Aaron Strowder fut le manager de Gene Pitney et créa le label Musicor avec Art Talmage, pour qui enregistrèrent Gene Pitney et George Jones. George Weiss a toujours composé notamment des musiques de films. George Weiss et Aaron Strowder ont signé plusieurs titres importants pour Elvis Presley, I Got Stuck, Shopping Around, It's Now or Never, Good Luck Charm, et il est possible que I Print String, la version originale du titre Tuba Tuba Tuba, ait été écrit à l'intention du King, mais c'est Billy the Kid qui en hérita en 1959. Parallèlement, Chris Hoback chez Sun l'enregistre, mais son essai demeure longtemps inexploité. Par le biais des éditions, une mouture plus commerciale est concrétisée en Australie par John Delvin et une autre en Angleterre par Cliff Richard, dont le disque fut probablement la référence pour Johnny Hallyday. Et justement, c'est cette version de Cliff Richard qu'on écoute tout de suite avec Apron Strings. Let's get the memory. I don't want the memory. But the gun, but the gun. Oh, whatever I believe. Well, honey, your love is good for my way. Cause I wanna die. Do you apron string? Here I can't say goodnight. But then what do I do? I hurry on home. But I dream about you. Crazy, I know, but it's one of those things. I wanna be done. Do you hate the string? Yeah, I hold my hand in the burn like a fire. It gives me my lips and the flame goes high. Such a lucky devil to find a little lady like you. Well, I'm crossing my heart, ain't telling no lie. So hold me real close, and I'll close your eyes. Do you hate the string? It's a good night. And what do I do? Well, I hurry on home. I dream about you. Well, crazy, I know. But just one of those days. Well, I won't let me die, die, die, die, die. Do you hear the string? Hey, you hold my hand, I burn like a fire. You kiss my lips and the flame goes high. I'm such a lucky devil to find a little lady. I'm crossing my heart, yeah, telling no lie. Oh, there's a hole in me close, mm-hmm, it goes to your eyes. Yeah, I'm thinking of your clothes, like I've been a clay. I wanna be done, done, done, done, done. Do you hear me straight? I wanna be done, done, done, done, done. Do you hear me straight? I wanna be done, done, done, done, done. Do you hear? Je pense que je suis un chanteur de variété, revu et corrigé par le rock'n'roll, mais je ne suis pas un chanteur de rock'n'roll pur. Johnny et les années 80. Quand la nuit crie au secours, qui pourrait l'écouter? Son cœur bat comme un sourd, mais personne ne le sait. sais bien que tout espoir est inutile. Je voudrais mentir tous ceux qui ne l'ont pas aimé. La nuit meurt avec le petit jour. Au matin, il y a toujours une fille qui pleure. Elle attendra jusqu'au soir pour revenir. La nuit est seule à pouvoir la retenir. Ceux qui ne l'ont pas aimé. Secours de Johnny Hallyday en 1980, extrait d'album en pièces détachées. Ça fait tellement de temps que l'on navigue ensemble. Ça ne finira jamais. Johnny et les années 90. Exactement, 1991, 10 ans après la précédente chanson, voici Ça ne change pas un homme. Johnny sur RIG, c'est tous les mercredis de 22h jusqu'à minuit. Je n'ai pas cru les mots quand ils étaient trop beaux. Je n'ai pas pris les clés, je n'ai rien refermé. Mais je les ai usés, ces chemins buissonniers. Au mûrier de béton, le nez dans le goudron. Moi, j'ai grandi dans la rue, avec mon coup des poings. Des tessons de refus plantés dans mon destin. Pour n'avoir rien voulu, je n'ai rien retenu. Pour n'avoir rien touché, je n'ai rien déformé. Ça ne change pas un homme, un homme sa vie. Ça ne meurt pas un homme ça s'oublie. Ça ne change pas un homme ça vieillit. Ça ne meurt pas un homme. Je n'ai pas cru ami, ni l'amour, ni les filles. Je n'ai pas pris le temps, je m'attendais devant. je les ai brûlés, mes châteaux de papier. Avec des vrais serpents, avec de faux semblants. Ça ne change pas un homme ça vieillit. Ça ne meurt pas un homme ça s'oublie. Ça ne change pas un homme ça vieillit. Non, pour n'avoir jamais cru, je n'ai jamais vécu. Pour n'avoir jamais su, mon père, je te salue. Ça ne change pas un homme ça vieillit. Ça ne meurt pas un homme. Un homme, ça s'oublie. Ça ne change pas un homme, ça vieillit. Ça ne meurt pas un homme, ça s'oublie. Salut, c'est Johnny. Johnny en live. Johnny en live, toujours au Parc des Princes en 1993. On est dans la série des medley en live ce soir. Et voici le medley Rhythm and Blues, Johnny Hallyday. Sur RIG. Electro, quand il vous arrive, oh oui, ça fait mal. Electro, qui est prêt à vivre. À tout petit enfant, il leur faudra combien pour qu'il devienne un grand. Combien de fois à terre il lui faudra tomber et sans pleurer, apprendre à se relever. Il deviendra un homme petit à petit en apprenant les durs leçons de la vie. Les coups, quand il vous arrive, oh oui, ça va mal. Les coups, qui est prêt à vivre. Je t'attendrai, la jusqu'à minuit. Au rendez-vous, t'es déjà ceci. Et ça fait mal, moi je peux vous le dire. Mal, mal, c'est un amour qui me fait bien trop mal. Mal, mal, on paye toujours, mais ça fait bien trop mal. Mal, mal, comme une bête, j'en souffre, j'ai mal. Mal, mal, c'est un amour qui me fait bien trop mal. Celui qui aime, il fait me comprendre. Mon amour tendu, c'est que j'endure. Je les vois par la main, tous les amoureux, moi je sais bien. Cet amour-là, je ne le connaîtrai pas, il ne sera jamais pour moi. Oh non. C'est bien joli, mais j'ai peur d'être un jour trahi. Et ton amour, oh tu peux me jurer, je sais bien quel jour tu me feras crier. Je suis seul. Je suis seul. J'ai aidé au Parc des Princes en 1993 avec le medley Rhythm and Soul. On revient à l'album de la semaine qui est l'idole des jeunes, le 25 cm sorti le 9 avril 1963. On retrouve tout de suite le titre L'idole des jeunes. Les gens m'appellent l'idole des jeunes. Il en est même qui m'envient, mais ils ne savent pas dans la vie que parfois je m'ennuie. Je cherche celle qui serait mienne, mais comment faire pour la trouver? Le temps s'en va, le temps m'entraîne. Je ne fais que passer. Dans la nuit, je file tout seul de ville en ville. Je ne suis qu'une pierre qui roule toujours. J'ai bien la fortune et plus, et mon nom partout dans les rues. Pourtant, je cherche tout simplement l'amour. Et une fille souvent me guette quand s'éteignent les projecteurs. Soudain sur moi, elle se jette, mais pas une dans mon cœur. Dans la nuit, je file tout seul de ville en ville. Je ne suis qu'une pierre qui roule toujours. s'en aller ailleurs au lever du jour. Les gens m'appellent l'idole des jeunes, il en est même qui m'envie. Mais s'ils pouvaient savoir dans la vie combien tout seul je suis, combien tout seul je suis. Ricky Nelson ne voulait pas enregistrer Teenage Idol, le titre original de l'idole des jeunes. Il trouvait que le texte collait trop à l'idée que le public se faisait de lui et il estimait prétentieux de se dire idole. Son père, Ozzy Nelson, qui dirigeait sa carrière, soulignait le fait que le texte précise « Certains m'appellent l'idole ». Dégagé de ses scrupules, Ricky Nelson enregistra le titre et récolta une cinquième place. La similitude de situation entre Ricky Nelson et Johnny était flagrante. Aussi, Ralph Burnett n'eut qu'à traduire plutôt qu'à vraiment adapter un texte qui semblait avoir été écrit sur mesure pour la vedette française. Le succès de Johnny fut lui aussi phénoménal. On l'affuble depuis de ce surnom, l'idole. Et ce fut le premier texte à prendre pour sujet sa vie d'artiste, son métier, la difficulté d'apporter de la joie tout en ressentant de la tristesse, la solitude du rocker de fond, etc., etc. Un sujet qui s'avérera inépuisable. Voici la version de Ricky Nelson, la version originale Teenage Idol. Say they envy me. I guess they got no way of knowing how lonesome I can be. I need somebody to be my baby, someone to tell my troubles to. I've got no time to ever find her, 'cause I'm just passing through. I travel I'll always be just a rolling stone. If I find fortune and fame and lots of people know my name, that won't mean a thing if I'm all alone. I get no rest when I'm feeling weary. I gotta pack my on va retrouver la rubrique de Antoine Decaune avec l'Odyssée et le titre « Je suis seul ». Ouais, on l'a écouté tout à l'heure, mais on va le réécouter, bien sûr, ça me fait plaisir. L'Odyssée, Johnny Hallyday. Bonjour à toutes et à tous, c'est Antoine Decaune qui vous raconte Johnny Hallyday. Au cours de sa longue carrière, il est arrivé plus d'une fois que des chansons lui correspondent tellement bien qu'elles sont restées des années, voire des décennies, inscrites à son répertoire. C'est le cas de « Je suis seul ». Au départ, il s'agit d'une musique américaine, « What is soul », enregistrée par un as de la musique noire, Benny King. What is soul? « Cherchant une phrase qui sonnerait un peu comme « What is soul ?», l'adaptateur Georges Haber pense à « Je suis seul ». D'ailleurs, l'idée de la solitude revient souvent sous la plume des auteurs travaillant pour Johnny. Ceux-ci ont remarqué que même entouré, même au milieu d'une foule, l'artiste est toujours plus ou moins seul. Les gens m'appellent l'idole des jeunes. Il en est même qui m'envient. Mais s'ils pouvaient savoir dans la vie combien tout seul je suis, combien tout seul je suis. C'était déjà le message véhiculé par l'idole des jeunes. On le retrouvera entre autres dans Seul mais pas solitaire, dans Revoilà ma solitude ou dans La solitude en 1973 sur un album baptisé Insolitude, justement. Comme dans Insolite et Solitude. Vous suivez là ou quoi? Laisse-moi. Sur ce même thème, Johnny chantait déjà en 1967. Quand il l'interprète en concert, les filles hurlent. Non Johnny, tu n'es pas seul, on t'aime. C'est devenu un jeu, Johnny en rajoute à qui mieux. Ah je suis seul, y a-t-il quelqu'un qui veuille m'aimer ici ce soir? Alors des milliers de gosiers s'étranglent, c'est trop d'émotions. De partout jaillissent des... Ce petit jeu du chat chanteur et des souris spectatrices, Johnny le peaufine de gala en gala. De salle de fête en palais des sports, comme en témoigne cet enregistrement de 1976. La vie, c'est bien joli. Parc des Princes en 1993, au Stade de France en 1998, même devant des dizaines de milliers de spectateurs, Johnny est toujours aussi seul. Qui aurait pensé que cette chanson, publiée en mars 67, dans l'ombre de Hey Joe, prendrait une telle importance? Je suis seul. Je ne connaîtrai pas, il ne sera jamais. c'est tout pour aujourd'hui. Allez, salut maintenant. Au revoir, baba, loubaba, la ben, boum. Bon, d'accord, c'est rentré. Johnny et les années 70. On entend la musique. Certaines filles que vous connaissez tous très bien. Dix ans de chaîne sans voir le jour, c'était ma belle force de l'amour. Non mais vous voyez un peu dans quel état vous me mettez tous les soirs. Je veux te voir changer. Je veux te voir bouger. Vous n'avez pas honte, non? De l'amour, de l'amour, de l'amour. Vous érigez la radio de Johnny Hallyday le mercredi de 22h jusqu'à minuit. On retrouve tout de suite Johnny Hallyday en 2012. C'était l'extrait de l'album de L'Attente. Voici Devant Toi. Et tout de suite, on attaque le quatrième extrait de l'album de la semaine qui est l'idole des jeunes. Voici le Mashed Potatoes. En Amérique, tous les jeunes le dansent. Ça ressemble un peu au Charleston ? Oui, un peu au slap aussi. Tu veux pas nous l'apprendre ? Si, bien sûr. Allez, tout le monde autour de moi ! C'était à l'instant le Mashed Potatoes et on va écouter d'ici quelques secondes le titre interprété par Thurston Harris, Little Pity Pretty One. Et le plus étonnant, c'est que cette version originale n'est liée à aucun pas de danse spécifique. Elle fut créée en 1957 par Bobby Day, hein, né sous le nom de Robert Byrd. Et la chanson devint l'unique tube de Thurston Harris, ancien saxophoniste des Lamplighters, devenu chanteur. Et les chœurs y sont assurés par les Sharps, également entendus sur les disques de Dwayne Eddy. Après Do What You Did and Over, Thurston Harris retomba dans un oubli relatif, se produisant surtout dans la région de la Nouvelle-Orléans. Voici tout de suite Little Bitty Pretty One. Oh, Salut, c'est Johnny. Johnny en live. On trouve Johnny au Zénith de Saint-Étienne. C'était en 2009 avec un medley rock'n'roll. Qui vient, c'est la plus belle de tout le quartier. autre chose existe. Mais tout ce, c'est ne m'empêche pas de penser. Cette fille là, mon vieux, waouh, elle est terrible. Cette voiture, on la dirait vraiment faite pour moi. Et donc la faire rouler avec ça. Et la chose que je pense au prix de l'essence, je perds subitement l'envie de la payer. Mais tout ceci ne m'empêche pas de penser. Cette voiture là, mon vieux, waouh, elle est tirée. Attends un peu, que je travaille. À monter dedans, la capote baissée, sans trop nous presser. Oui, nous descendons les Champs-Élysées. Et les copains nous voyant passer, diront mes musées. Y'a pas à dire, ce gars-là, waouh, il est terrible. Simplement, j'ai une question pour vous. Vous voulez que ça continue? Oui. Eh bien alors, juste après la pub. Hallyday by Hallyday. Johnny et la publicité. Ouais, c'est sérieux. Des cheveux d'or dans le vent, un cheval au grand galop, et la fille qui rit. Cœur au galop, quand la fille m'a crié. essayer de continuer, un peu de musique. Un peu de musique avec l'album de la semaine, Idole des jeunes, et le titre, Elle est terrible. Et regarde un peu, c'est elle qui vient. C'est la plus belle de tout le quartier, et mon plus grand désir c'est de lui parler. Elle aguiche mes amis, même les plus petits, pourtant pour elle j'ai pas l'impression d'exister. Mais tout ceci ne m'empêche pas de penser, cette fille là mon vieux, elle est terrible. Cette voiture, on la dirait vraiment faite pour moi. Et ils doivent faire bon rouler avec ça. Et la chose que je pense, c'est plus de l'essence. J'ai perçu subitement l'envie de me la payer. Ah, mais tout ceci ne m'empêche pas de penser. Cette voiture-là, mon vieux, elle est terrible. Attends un peu, à que je travaille. Pas à dire ce gars-là, ouah, il est terrible. C'est beau de rouler en rêvant. Voilà que j'arrête ma vie citron. Et j'ai bonne mine devant la belle maison de celle que j'aime, les poches à plat. Ouais, pourtant si elle m'embrasse, c'est rien qu'une fois. Je dirais certainement en parlant de moi. Y'a pas à dire ce gars-là, ouah, il est terrible. Elle est terrible, extrait donc de l'album de la semaine Idole des jeunes, sorti le 9 avril 1963. Mais le Super 45 Tours, lui, était sorti un mois auparavant, en mars 1963. Le Super 45 Tours contient les titres Tes tendres années, Poupée brisée, Mash Potatoes et le titre, qu'on vient d'écouter à l'instant, Elle est terrible. Ce qu'il faut savoir aussi, contrairement à ce que l'on croit généralement, Something Else n'a pas été composé par Eddie Cochran, mais par son frère aîné Bob, également signataire du magnifique The Three Steps to Heaven. On écoute la version de Eddie Cochran. Oh, look at there. Here she comes. The street. Johnny et les années 60. Et par ici. J'avais pris son amour pour un jeu. Elle était ce que l'on fait de mieux. Et le temps n'y fait rien. me souviens. J'avais pris son amour comme on prend, comme a dû le bonheur le plus grand. Jamais je n'oublierai comme on s'aimait. Et elle disait, tu me quitteras pour une autre que moi. Je ne suis qu'un premier amour, tu m'oublieras un jour. J'avais pris son amour pour un jeu, jusqu'au jour où elle m'a dit adieu. Et je l'ai vu partir sans rien à dire. J'avais pris son amour insouciant, il revient me hanter maintenant. Je m'en souviens toujours de notre amour. Elle avait peur de l'avenir que je voulais bâtir. Chance est avec toi. J'avais pris son amour pour un jeu. Elle était ce que l'on fait de mieux. Et le temps n'y fait rien, je me souviens. J'avais pris son amour comme on prend, comme a dit le bonheur le plus grand. Aujourd'hui je le sais, comment s'aimer, comment s'aimer, comment s'aimer. Johnny et les années 70. Et par ici. Accroche au mur, je ne suis pas ce garçon-là que l'on défigure. Je ne suis pas ce Superman pour des aventures de cinéma. Oh, j'ai moi aussi envie de vivre libre au soleil. Dans le ciel, les stars, les vrais, et leurs secrets, oh, me font rêver, me font chanter. Rien, je ne suis rien qu'un homme, comme les autres hommes qui cherchent. Chaque jour, ma seule nourriture, mon seul recours. C'est ma seule âme et ma seule armure, l'amour de vrai. Et ses secrets me font rêver. Me font chanter rien. On vient d'écouter deux titres, Son amour pour un jeu de 1967 et Un homme comme les autres de 1977. Johnny et les années 90. Je pense que je suis un chanteur de variété, revu et corrigé par le rock'n'roll, mais je ne suis pas un chanteur de rock'n'roll pur. Entre Johnny Hallyday en 1998, extrait de l'album Ce que je sais. Voici le titre, Debout. Debout dans la cour d'école, quand on grandit avec les loups, je n'ai jamais courbé le cou, ni même touché du front le sol. Si de ma vie j'ai écarté tous ces perdants au garde à vous, moi je me suis battu pour mes idées, mais personne ne m'a vu à genoux. Oh, debout, j'aurais toujours vécu debout. Malgré les insultes et les coups, sans tout comprendre, je l'avoue, mais j'ai toujours vécu debout, et je le resterai jusqu'au bout, et debout. Bien sûr, j'aimais l'amour, je l'ai libéré de sa cage, et j'ai gagné en douleur et en courage. J'aimais comme un sourd, et chaque fois un peu plus grand, mon cœur se lève et j'oublie tout. Je n'ai que le droit d'être vivant et d'être un homme avant tout. Oh, debout, j'aurais toujours vécu debout, malgré les insultes et les coups, sans tout comprendre, je l'avoue, mais j'ai toujours vécu debout. Avec les loups, j'en ai gardé des marques au cou. Même si aujourd'hui j'en rigole, quand on n'a plus rien à prouver, peu importe qui est derrière vous, une seule personne m'a aimé, et c'est pour elle que je suis resté. De la semaine, l'idole des jeunes, sorti le 9 avril 1963. Et là, on va avoir affaire au seul titre original français de cet album 8 titres, ce 25 cm 8 titres. La chanson s'intitule Poupée brisée et qui a été écrite par Eddy Vartan et Eddy Francis et Georges Abert. La qualité de cette mélodie fut soulignée par la version instrumentale qu'en proposèrent les Champions, le groupe de Claude Ciari, en janvier 1963. Sur le disque de Johnny, on note une sonorité particulière. C'est la partie de guitare que Big Jim Sullivan a joué deux fois de manière presque similaire. Les deux prises superposées donnent une épaisseur variable et surprenante. Et les voix féminines ne sont pas toujours bien acceptées sur le disque de rock, mais celles des Breakaways et des choristes britanniques sont sans reproche. Une poupée qui t'aimait bien, tu l'as brisée en la quittant, brisée son cœur. As-tu jamais, ne l'entends-tu pas qui pleure? Poupée brisée, une poupée. C'est pour toujours. Ça fait tellement de temps que l'on navigue ensemble. Ça ne finira jamais. Johnny et les années 2010. L'Amérique de William, ce sont les grands espaces intimes, vus d'une fenêtre de cuisine. Ce sont les mégots de l'espoir qui fument encore sur les trottoirs. L'Amérique de William, ce sont les plaques de Texaco renversées dans l'œil des cyclones. Ce sont les motels solitaires qui attendent qu'une chambre se libère. Y'a de la vie en Kodachrome, des drive-in et des mobile homes. Sur les photos d'Eggleston, y'a de la vie en Kodachrome, des drive-in et des mobile homes. Ce sont des bars au crépuscule, des villes fantômes sous la lune. Ce sont des fleurs qui ont poussé sous la bannière étoilée. Oui, l'Amérique de William, ce sont les grands espaces intimes, plus d'une fenêtre de cuisine. Ce sont les mégots de l'espoir qui fument encore sur les trottoirs. Sur les photos d'Eggleston, y'a de la vie en Kodachrome, des drive-in et des mobile homes. Sur les photos d'Eggleston, des filles qui protègent leur môme du désir et des hématomes. Sur les photos d'Eggleston, y'a que la vie en photo. Kodachrome, des Dravid et des Mobile Home. Sur les autres des Gunston, y a des filles qui protègent leur monde du désir et des hématomes. Ouais. L'Amérique de Williams, extrait du dernier album de Johnny Hallyday, Mon pays c'est l'amour. Salut, c'est Johnny. Johnny en live. Medley ce soir en live. Je vous propose d'aller directement vers le Stade de France en 1998 pour le petit medley unplug. Avec plein de chansons douces, plein de chansons douces. Oui, mais oui, parce que vous êtes sur RIG et dans l'émission Johnny de A à Z, tous les mercredis de 22h à minuit. Retiens la nuit, mon amour, qu'elle devienne éternelle, pour le bonheur de

avant-dernier de l'album, avant-dernier extrait de l'album de la semaine avec le titre Comme l'été dernier qu'on écoute tout de suite dans l'émission Johnny de A à Z. Chubby Checker triompha avec sa reprise de The Twist, les twisters français s'intéressèrent de près à son répertoire, adaptant chaque nouveauté aussi rapidement que possible pour tenter de prendre la concurrence de vitesse. Les accords d'exclusivité systématiquement proférés par les éditeurs se révélant chaque fois promesses en l'air. Quand Dancing Party se classe 12e des USA en juin 1962, Johnny jette son dévolu sur ce nouveau succès. Il est loin d'être le seul à avoir cette idée. Sylvie Vartan, Malika, Les Pirates, Les Vautours de et Long Chris et les Dalton l'ont en même temps. Le titre français est directement inspiré par les paroles d'un autre tube de Chubby Checker, Let's Twist Again Like We Did Last Summer. Dansons à nouveau le twist comme l'été dernier. Voici la version de Chubby Checker Dancing Party. La voici la bande-annonce du film La Gamine de Hervé Pallu. Lambert. Ça, c'est une gamine. Elle a pas plus de 15-16 ans. Quand elle m'a vu, elle a pris le revolver et me l'a pointé sur la poitrine. Moi, je veux pas qu'elle aille en prison. C'est une gamine. Elle a 15 ans. Les gens sont super cool, c'est le boulot, on s'éclate. Ah, vous avez de drôles de fréquentation, hein. Ça va, hein. C'est lui. Bon, écoutez-moi bien, Carole. Depuis 24 heures, grâce à vous, je vis un enfer. Et bah, tu vas m'emmener. Bouge pas, je te tire dans la tête, si on t'a compris. Oh, j'ai fait une connerie, là. À qui mène ton cul, bordel, ils sont là. Je suis désolée, j'ai pas fait ça, je voulais pas dire. Foutez-moi la paix. Vous ne pensez pas que ça suffit comme ça, non? Quoi encore? Quand vous avez démissionné de la police, alors là, à mon avis, ils ont pas dû vous regretter. Non, ça suffit, cette comédie. Relevez-vous. Je vous dis qu'elle va très bien. Elle joue la comédie. Hein. Comédie, comédie, comédie. Frankie. Vous permettez que je vous appelle Frankie? C'est ça votre genre de gonzesse? Oh, arrêtez de faire la gueule! Vous êtes vachement égoïste comme mec! Vous pensez qu'à vous tout le temps! Bon, ça suffit maintenant. D'accord? Vous détestez! Carole! J'ai fait une connerie, hein? J'arriverai à rien avec cette fille. Et en fond, une chanson de Scorpion, Hit Between the Eyes, bien sûr. John a aidé. La suite, s'il vous plaît, de l'émission Johnny de A à Z. Il y a une expression américaine qui dit « Le rock'n'roll est mort ». Mais c'est pas vrai. Le rock'n'roll n'est pas mort pour ceux qui sont rock et qui sont pas morts. Johnny et les années 2000. Oh, cœur d'un homme, extrait de l'album Le cœur d'un homme, sorti en 2007. On est au dernier titre de l'album de la semaine, qui est sorti le 9 avril 1963, ce 33 tours 25 cm. Et le dernier titre que je propose d'écouter, c'est Mashed Potatoes Time. La version originale interprétée par Didi Sharp, Mashed Potato Time. Yeah.

passage de cette émission, Johnny de AZ avec l'album de la semaine, Little Edition, oui, de 25 cm, hein, sorti en avril 1963. Je vous remercie et toutes et à tous d'avoir participé, d'avoir pour votre présence aussi à chaque semaine pour cette émission Johnny de AZ. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro, une nouvelle aventure à l'IDN. Bonne nuit à toutes et à tous, à très bientôt, ciao ciao.